بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ الفوزان حفظه الله في محاضرته الفقه في الدين عصمة من الفتن. Et ceci dit Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, dans sa conférence « La compréhension de la religion est une protection contre les fitan », il dit « كذلك كما أشرنا من أسباب النجاة لجوم جماعة المسلمين والابتعاد عن الانتماء إلى الفرق والجماعات المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, comme nous l'avons cité auparavant, fait partie aussi des causes qui vont sauver la personne. C'est le fait de rester avec le groupe du musulman et de s'éloigner de l'appartenance à ces groupes et à ces partis qui sont en divergence avec la voie sur laquelle étaient les pieux aïeux de cette communauté. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le groupe sauvé, ce sont ceux qui sont sur la même voie que lui et ses compagnons à aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque du prophète alayhi wa sallam, ceux qui sont sur la même voie que la voie sur laquelle était le messager alayhi salatu wasalam, ses nobles compagnons, ben cela c'est le groupe sauvé. والله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Il est dit dans le verset que chez Cheikh ici, qui est dans le repentir, surat Tauba, verset 100, et les premiers qui ont accouru parmi les muhajiroun, qui ont quitté la Mecque vers Médine, et l'ansar, les alliés qui les ont accueillis à Médine, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé des énormes jardins sur lesquels coulent des fleuves où ils seront éternellement, et ça c'est le meilleur des gains et le plus grand et le plus géant des gains. يقول حفظه الله الذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا السابقين الأولين. Et il dit, ceux qui les ont suivis à la perfection, ils ont suivi les premiers qui ont accouru vers le bien, vers le fait d'être avec le messager عليه الصلاة والسلام. ويقول جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dans sourate al-Hashr verset 10, et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les premiers, après les muhajirun al-ansar, et après ceux qui ont quitté la Mecque et ceux qui les ont accueillis à Médine, ils disent quoi dans le verset? Ils disent: ô souverain, notre souverain, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Fait qu'on nos cœurs, que dans nos cœurs il n'y ait pas de haine, pas de mauvaise pensée, pas de haine pour ceux qui ont cru. Notre souverain, tu es le clément, tu es le doux, le clément. يقول أما إذا افترق الإنسان مع الفرق المخالفة وصار يسب الصحابة أو يجهل العلماء أو يجهل الأئمة أو يغلطهم فهذا لن يصل إلا إلى الضلال إلا إن تداركه الله برحمته وتاب إلى الله وعاد إلى جماعة المسلمين والفرقة الناجية ليس هناك إلا فرقة واحدة هي الناجية. Il dit, Habibahullah Ta'ala, mais si maintenant la personne, l'être humain, il va avec ses groupes qui sont en divergence entre eux déjà, et ces différents groupes qui existent et qui sont en divergence entre eux, et il commence à insulter les compagnons et à rendre ignorants les hommes de science et à dire que les grands imams sont ignorants ou là ils sont dans l'erreur ou là ils ont fait des erreurs, celui-là, il n'arrivera qu'à l'égarement, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, le couvre de sa sainte miséricorde, et il se repent et il revient vers Allah. Et il revient vers le groupe des musulmans et vers le groupe sauvé, car il n'y a qu'un seul groupe qui est sauvé. Qu'un seul groupe sauvé. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرق الثلاث والسبعين كلها في النار وكونها في النار يختلف باختلاف ابتعادها عن الحق فمنهم من هو كافر ومنهم من هو ضال ومنهم من هو فاسخ المهم أن الكل منهم متوعد بالنار إلا فرقة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Il dit, Habidallahu Ta'ala, le messager d'Allah Azza wa Jal a dit concernant les 73 groupes, il dit tous en enfer, et le fait qu'ils soient en enfer, c'est différent d'un groupe à un autre et d'une personne à une autre, selon leur éloignement de la vérité. Il y aura parmi eux des mécréants, donc la sentence des mécréants, vous la connaissez, pour l'éternité du feu de l'enfer. Il y aura parmi eux ceux qui sont égarés. Donc leur sentence, tant qu'ils ne sont pas tombés dans la mécréance, ils sont sur la volonté d'Allah, ikhwat al-Islam. Et il y aura parmi eux les pervers, les désobéissants. Le muhim, l'essentiel, c'est qu'ils sont avertis par le feu de l'enfer, sauf un groupe, un seul et unique groupe. Ils lui ont dit, ah Rasulallah, c'est lequel? Il a dit, ceux qui sont sur la même voie. Moi aujourd'hui et mes compagnons, et ceux qui sont sur la même voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons aujourd'hui. Yaqul al-Sheikh Hafidhahullah, at-tariq wahidun wal jama'atu wahida. Et cher de dire, la voie, il est unique et le groupe, il est unique. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa anna hadha sirati mustaqiman, siratun wahid faqat. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Il dit, حفظه الله تعالى, الله عز وجل a dit dans cette traduction approximative du verset qui est dans sourate Al-An'am, verset 153, ça c'est ma voie droite. Et cherche de nous dire, la voie droite, il est unique. Et après, le verset il dit, ça c'est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les chemins qui vont vous éloignez, vous dispersez du chemin. As-subulu dallah katiratun laysa laha adad. Il cherche de nous dire, les chemins de l'égarement sont nombreux, ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de nombre, tu ne peux pas les compter. Yaqul wal'an tara al-firaq wal-jama'at katiratun laysa laha adad. لكن جماعة أهل السنة والجماعة واحدة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. Il dit maintenant les groupes sont nombreux, tu peux même pas les compter, hein? Tu peux pas dire le nombre qu'il y a. Mais il dit le groupe des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, il est unique depuis l'époque du prophète عليه السلام jusqu'à la fin des temps à l'islam. يقول كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالف من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Il dit en citant le hadith authentique du prophète alayhi salam, restera toujours un petit groupe de ma communauté, une fraction de ma communauté sur la vérité et apparent sur la vérité, peu importe ceux de l'intérieur qui veulent les faire faiblir ou ceux qui sont en divergence avec eux, ils resteront sur la vérité et apparent sur la vérité jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive. Yaqulu hafidahullah, na'am, sayakunu hunaka man yuhawwinu min sha'nihim, man yujahiluhum, man yastaghfiluhum, man yaqul ha'ulai salihun, walakin ma ya'rifuna al-waqi' wa la ya'rifuna kadha. Kullu hadha yajibu 'ala al-muslim an la yaltafita ilayhi. Hum man kana 'ala mithli ma ana 'alayhi al-yawma wa ashabi. La najata illa bihadha. زوموا جماعة المسلمين وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. Il dit حفظه الله تعالى, oui, il va y avoir des gens qui vont rabaisser ce groupe sauvé, hein, ce petit groupe, qui vont pas, qui vont les négliger, qui vont les diminuer, qui vont les dénigrer, qui vont dire qu'ils sont ignorants, qu'ils vont dire d'eux qu'ils sont insouciants, et qui vont dire que ceux-là, ce sont des gens vertueux, mais ils ne connaissent pas la réalité de la situation, ils ne connaissent pas ceci et cela. Il dit, tout ceci, le musulman ne doit pas lui donner d'importance. Il dit, ceux qui sont sur la même voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons, il recite la parole du prophète. Il dit, là, il y a le fait d'être sauvé. C'est avec ça qu'on va être sauvé. Le fait de rester avec le groupe des musulmans. Et il cite le trois hadiths, cramponnez-vous au groupe, restez avec le groupe, car Allah est avec le groupe. Car la main d'Allah est avec le groupe. Il y a le groupe de la vérité, celui qui dans l'emblème et dans la devise c'est la voie sur laquelle était le messager alayhi salam et ses nobles compagnons de Allah alayhim. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi akthar min hadith hatta na ala an nakuna ma'a al-jama'ati al-mutamassikati bi tariqati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tariqati ashabihi wa tariqati salafi hadhihi al-umma. Il dit hafidhahullah ta'ala, il est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dont plus d'un hadith nous a incité à être avec le groupe qui se cramponne à la voix du prophète alayhi salatu wasalam, et à la voix de ses nobles compagnons, et à la voix des pieux aïeux de cette communauté. Yaqul, yanna salaf hadhihi al-umma hum adra wa aqrabu ila al-haqq mimman jaa ba'dahum. Il dit, car les pieux aïeux de cette communauté, ce sont les plus proches de la vérité, et ce sont les plus proches de la réalité et de la vérité par rapport à ceux qui sont arrivés après eux. ولهذا أثنى صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمر سيتغير بعد هذه القرون وأن الأمر سيحدث فيه ما يحدث. Il dit, Habibullah Ta'ala, c'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges de trois premières générations ou alors à quatre générations. Il a dit, les meilleurs parmi vous, ce sont ceux de ma génération. Et ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Le transmetteur du hadith, il dit, je ne sais plus, c'est après sa génération. Il a cité deux générations ou trois générations. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que la situation va changer après ces générations qui ont reçu l'éloge du messager alayhi wa sallam. Et qu'il va y avoir des choses qui seront nouvelles et des nouveautés et des innovations. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عهد القرون المفضلة حصل في الأمة ما حصل من الفتن ومن الدخيل ومن المذاهب المختلفة ولم يبق على الحق إلا جماعة المسلمين الذين تمسكوا بما كان عليه السلف الصالح ودعاة التجديد الذين يجددون هذا الدين لهذه الأمة ومن تبعهم وسار على نهجهم. Il dit حفظه الله تعالى, il est arrivé ce qui a annoncé le Rasoul. Après la fin des trois des générations qui ont reçu les éloges minallah azza wa jalla de son messager alayhi salam, et il est arrivé, les fitnes sont arrivées. Il y a des choses qui se sont immiscées, il y a des voies qui se sont créées, il y a des voies différentes se sont créées, et il n'est resté sur la vérité qu'un seul groupe parmi les musulmans, ceux qui se sont cramponnés à la voie sur laquelle étaient les pieux aïeux ridwanullah alayhim et les prêcheurs, rénovateurs qui rénovent à cette communauté sa religion. Qu'est-ce que ça veut dire rénover à la communauté sa religion? C'est qu'ils n'ont rien ramené de nouveau, mais ils ont remis à jour les sunnas qui ont été oubliés, hein, et ceux qui les suivent à la perfection et qui les suivent sur leur chemin. Yaqul, wahada min ni'amillahi, wahada min ni'amillahi, wahada. يقول حفظه الله وهذا من نعم الله أن الخير يوجد مهما كثر الشر فإن الخير يوجد من أجل أن يرجع إليه من أراده ولأجل أن تقوم حجة الله جل وعلا على خلقه فمهما كثرت الفتن ومهما كثرت الشرور إلا أن الحق موجود والحمد لله. Il dit, حفظه تعالى, et ça, ça fait partie du bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala, que le bien existe toujours malgré que le mal est nombreux et propagé et très nombreux, le bien il existe. pour que revienne vers ce bien ce qui a, celui qui le veut, et pour que la hujja d'Allah et la preuve d'Allah et la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplisse sur ces créatures, malgré le nombre des fitans, malgré les mots qui existent, la vérité existe. La vérité existe. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول لا نقول إن الأمة الإسلامية غائبة كما يقول بعض الكتاب أو بعض الخطباء. الأمة الإسلامية موجودة ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمة على الحق على الحق ظاهر. لكن الشأن بالرجوع إليها والانضمام لها. Et il dit, Habibullah Ta'ala, on ne dit pas que la communauté musulmane est absente, comme disent certains écrivains ou certains khatib. Hein? La communauté musulmane existe, et la louange est à Allah. Il cite le hadith du Prophète Sallallahu Alayhi wa Sallam, restera une fraction de ma communauté apparente sur la vérité. Mais la situation, c'est de revenir vers ce groupe et d'être un parmi ce qui compose ce groupe qui est sur la vérité. يقول نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به ويتمسكون به. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous et de vous des gens qui connaissent la vérité et qui savent la vérité et qui mettent en application la vérité et qui se cramponnent à la vérité. يقول حفظه الله بقية نقطة أخيرة فيها في الموضوع وهي أن من أسباب النجاة من الفتن أيضا كثرة الدعاء وأن المسلم يكثر من الدعاء بأن يحميه الله من الفتن. Il dit, reste un point pour terminer ce sujet, il a fait partie des moyens pour être sauvé des fitans, c'est de faire beaucoup de dua. Le musulman doit faire beaucoup de dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala le protège des fitans. يقول فقد قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Il dit, car le messager عليه الصلاة والسلام nous a dit, cherchez refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala des fitans, les fitans apparentes et les fitans cachés. وكان صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخيرة يستعيذ بالله من أربع ويأمر بذلك. يقول استعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم dans le dernier tashahud de la prière cherchait refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de quatre choses, et il leur donnait aussi à sa communauté. Il y cherchait refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de quatre choses: du châtiment du jahannam, du châtiment de la tombe, de la fitna, de la perturbation, de la fitna et de l'épreuve, de la vie et de la mort, et de la fitna de l'antéchrist, de fitna de l'Messie Dajjal. فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء أن يقيه الله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يلح على الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء. Il dit, il appartient, il est du devoir du musulman de faire beaucoup de dua, que Allah subhanahu wa ta'ala le protège du mal des fitans apparent et caché, et qu'il doit sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala et augmenter les dua devant Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala il est proche, hein. فإن الله سبحانه وتعالى قريب المجيب مجيب من لجأ إليه حماه من لجأ إليه حماه ومن استعاذ به أعاذه ومن دعاه استجاب له وهو ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له وقد فتح بابه سبحانه وتعالى للسائلين الليل والنهار ولكن هذه زيادة فرصة يعطيها الله لعباده رحمة بهم. Il dit, Habibullah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche, il répond, celui qui cherche refuge auprès d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le protège, et celui qui cherche protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala le protège, celui qui demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce, et Allah subhanahu wa ta'ala descend toutes les nuits vers le ciel de la vie, quand il reste le dernier tiers de la nuit. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande et je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande, je l'exauce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le pardon, je lui pardonne? Il ouvre ses portes pour ses serviteurs Ah, le jour et la nuit, ses portes sont ouvertes. Mais ça, c'est quelque chose de plus qu'il donne quand il descend du dernier tiers de la nuit. C'est une occasion de plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre à ses serviteurs pour, par clémence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول فالمسلم يكثر من دعاء الله عز وجل في كل وقت ولا سيما في الحالات الفاضلة والأوقات الفاضلة الحالات الفاضلة كالسجود قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم Il dit, حفظه الله تعالى Le musulman doit faire beaucoup de dua à tout instant, à tout moment, et surtout, il doit le faire aux moments qui ont des vertus, les moments, les heures et les occasions de vertu. Il doit faire beaucoup de prosternation, et parmi les moments de vertu qui ont des vertus, c'est au moment où la personne est en prosternation. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous êtes au moment de la prosternation, faites beaucoup de dua, car il vous sera exaucé. Faites beaucoup de dua, car il vous sera exaucé. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit alayhi salatu wassalam, le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au moment où il est en prosternation. Faites beaucoup de dua, comme il a dit alayhi salatu wassalam. وفي الأوقات الفاضلة مثل آخر الليل ثلث الليل الآخر وآخر ساعة من يوم الجمعة وأدبار السلوات الإنسان يلح على الله ولا يغفل لا يغفل عن الدعاء خصوصا طلب النجاة من الفتن لأنه إذا سلم من الفتن سلم من الفتن فإنه سلم من كل شر إذا سلم من الفتن سلم دينه وإذا سلم دينه سلمت عاقبته حفظه الله تعالى Et les moments de vertu sont nombreux. Le moment de vertu, c'est comme la fin de la nuit, le dernier tiers de la nuit, la dernière heure du jour du vendredi, avant la fin de chaque prière. Et l'être humain doit faire beaucoup de dua. Il ne doit pas être insouciant, il ne doit pas oublier de faire du dua. Il ne doit pas être insouciant, il doit sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger, de le sauver des fitanes. Car s'il est épargné des fitanes, il est sauvé des fitanes, il est sauvé de tout mal. Et s'il est épargné de la fitna, donc, sa religion va être épargnée. Et si sa religion est épargnée, il aura une bonne fin. وعلى كل حال الفتن كثيرة وتتنوع والدعاة إلى الفتن أيضا يكثرون ويتدربون ويدربون كما قال صلى الله عليه وسلم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا Il dit حفظه الله تعالى De toute façon les fitans sont nombreuses, ils sont divers Et les prêcheurs qui appellent vers les fitans sont nombreux. Ils ne cessent d'augmenter. Ils font des stages. Et on leur fait faire des stages. Ils font des stages aux autres. Comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, des gens de notre race et qui parlent nos langues. Du'atul fitani yatakallamuna bi alsinatina. وهم من جلدتنا من العرب اكثرهم او من اقاربنا ايضا les prêcheurs des fitans parlent notre langue les prêcheurs des fitans sont parmi les arabes ils sont nombreux ou proches de nous فعلى الانسان ان يحذر ولا يغتر et la personne doit faire très attention il doit pas se faire avoir كل من دعا إلى ضلالة أو مخالفة الكتاب والسنة فاحذره ولو كان أقرب الناس إليك Il dit, حفظه الله تعالى, tout un chacun qui appelle vers l'égarement et vers le fait d'être en divergence avec le livre et la sunna, fais attention à lui, même s'il est le plus proche de toi. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن السبل المخالفة لصراط الله على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه شياطين الإنس وشياطين الجن يدعون إلى الضلالة Et il dit, même s'il est proche de toi, tu dois faire attention à lui. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que les chemins qui sont en divergence avec la voie d'Allah, à la tête de chaque chemin, il y a un shaitan qui appelle les gens. Il y a des shayats, il dit, Hafidah Allah Ta'ala, des shayats parmi les humains, et des shayats parmi les jeunes qui appellent vers l'égarement. قال تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. Il est dit dans le verset, dans Surat Al-Baqarah 221, ceux-là appellent vers le feu de l'enfer et Allah appelle vers le paradis. والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Et Shaitan appelle son parti, ses partisans, pour être parmi les gens de l'enfer. فهناك دعاة علينا أن نحذر منهم وأن نحذر من شبههم. Donc il y a des prêcheurs duquel il faut faire très attention et nous devons avertir contre eux et contre leurs ambiguïtés, leurs équivoques. Tu vois, Akhal Islam, Cheikh, hein? Cheikh, il voit le genre ou pas ici? Regarde ce qu'il dit et médite bien sa parole. Il y a des prêcheurs duquel il faut faire attention. Il faut avertir contre leurs ambiguïtés. Hein? وعلينا أن نلجا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم نسأل عما أشكل علينا. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et il dit, حفظه الله تعالى, nous devons revenir vers le livre d'Allah et la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et vers les hommes de science quand nous avons des problèmes ou quelque chose que nous ne comprenons pas. Car il dit dans le verset dans surat Nahl 43, les abeilles 43 et les prophètes numéro 7, demandez aux hommes de science si vous ne savez pas. يقول ونحن نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا حينما نقرأ فاتحة الكتاب التي هي ركن من أركان الصلاة قراءتها ركن من أركان الصلاة. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي ندمون دون الله سبحانه وتعالى دون شاكين دون ركعات دون بخيار كن نريزون la mère du livre, Fatihat al-Kaitab, l'ouverture du livre, qui est un des piliers parmi les piliers de la prière. Et sa lecture est une obligation, est un pilier donc parmi les piliers de la prière. Et on dit notre dua, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non la voie de ceux qui ont encouru ta colère et les égarés. نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق أهل الضلال المغضوب عليهم وطريق أهل الضلال. Il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur la voie droite et qu'il nous fasse éviter la voie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et de ceux et la voie des égarés. Al-maghdoub alayhim humul ulama alladhina la ya'maluna bi'ilmihim wad-dallun humul ladhina ya'maluna biduni ilm wal-mun'amu alayhim hum ahlul ilmi wal-amal. Et il dit, Habidah Allah Ta'ala, ceux qui ont couru la colère d'Allah, ce sont ceux qui savent et qui ne mettent pas en application. Les hommes de science, c'est ceux qui savent et qui ne mettent pas en application. Ceux-là ont couru la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne mettent pas en application leur science. Et les égarés, ce sont ceux qui ne savent pas et qui œuvrent sans science et avec ignorance. Et ceux que Allah, subhanahu wa ta'ala, a comblé de ses bienfaits, ce sont ceux qui ont le savoir et qui mettent en application ce savoir. والمنعم عليهم هم الذين هم أهل العلم والعمل وهم الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, ce sont ceux qui ont la science qui la mettent en application. Et cela, il est dit dans le verset dans Surat Nisa 69, leur description, ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, ceux-là seront parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quelle bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. فمن وافق وفق لصراط الله صارت رفقته هؤلاء الأخيار ومن حاد عن صراط الله صارت رفقته المغضوب عليهم والضالين. نسأل الله العافية. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a orienté et affirmé sur la voie droite, sa compagnie va être ses nobles, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Et celui qui a dévié de la voie droite, sa compagnie va être ceux qui ont encouragé la colère d'Allah et les égarés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. هناك يقول الشيخ هناك كلمة قالها إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وهي كلمة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتبصر بها ويتأملها قال رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. Et il y a une belle parole, une noble parole que tout un chacun doit méditer, qu'avait dit l'imam Malik rahimahullah, l'imam de la maison de l'immigration, l'imam de Médine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Et c'est une parole énorme. Tout musulman doit la comprendre, doit la méditer et doit la mettre en application. Hein? Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est. Le couvre de sa sainte miséricorde ne fera le bien de cette communauté, c'est-à-dire ne fera le bien de la fin de cette communauté que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Qu'est-ce qui a fait le bien du début de la communauté? Qu'est-ce qui a réformé dans le bon sens et dans la droiture le début de cette communauté? C'est le livre d'Allah et la sunna et le fait de suivre le messager alayhi salatu wassalam. Kadhalika akhiru hadhihi al-umma hinama yaktulu ash-sharr wad-dalal wal-firaq wal-jama'at la yuslihuha illa ma aslaha al-jayl al-awwal wa huwa mawjudun wa lillahi al-hamd. Il dit Habibullah ta'ala, il en est de même pour la fin de cette communauté. Quand le mal se propage, beaucoup, et les garments se propagent, et les groupes, et les partis, qu'est-ce qui va réformer cette communauté qui va la rendre dans le bien? Ce qui a fait, ce qui a réformé la première génération de l'islam, et ce qui a fait la bonté et la droiture de la première génération de l'islam, il dit Habibullah ta'ala, ceci existe. إلى الوجه تعالى الله سبحانه وتعالى الذي أصلح الجيل الأول موجود بين أيدينا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى العلماء المختصين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين لنا ما أشكل علينا إلى حفظه الله تعالى. Ce qui a fait le bien du début de la première génération de l'islam, il existe entre nos mains. C'est le livre d'Allah, la sunna du prophète, et le fait de revenir vers les hommes de science qui sont les spécialistes du livre d'Allah et de la sunna du messager pour qu'ils nous éclairent, ils nous expliquent ce que nous ne comprenons pas et ce qui est équivoque pour nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم وأن يجنبنا وإياكم طريق المغضوب عليهم والضالين من أصحاب الجحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ de conclure en disant je dis cette parole et je demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour moi et pour vous et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et tous sur la voie droite et qui nous fasse éviter le chemin de ceux qui ont encouru sa colère et des égarés parmi les gens de l'enfer. Prière et salutations sur notre prophète Mohammed alayhi sallam, sa famille, ses nobles compagnons, tous. Et donc là, c'est arrêté la conférence de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Et là, on arrête aujourd'hui, Inch'Allah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.